Bonjour, bonsoir, c'est Mathieu. Si vous aimez les petites histoires, rejoignez notre club. Rendez-vous sur patreon.com/lphpatreon.com/lph. En adhérant, vous pourrez profiter d'une expérience d'écoute sans publicité de tous les épisodes. Et il y a d'autres avantages. Accès au texte des histoires pour les lire à la maison, activités exclusives à télécharger, et, cerise sur le gâteau, une histoire bonus chaque mois. Vous pourrez aussi partager votre avis, vos suggestions et vos envies. On créera même des histoires ensemble. Alors, si les petites histoires comptent pour vous et que vous voulez continuer à en écouter encore longtemps, rendez-vous sur patreon.com/lph. patreon.com/lph. Passez toutes et tous un très bel été. Et maintenant, place à votre petite histoire. Les petites histoires de Tell Me. Un été incroyable. Épisode 1, la capsule temporelle. Ce matin-là, avec Lana, ma cousine, on était postés à la fenêtre du salon à regarder le sale temps par la fenêtre. Il pleuvait tellement que tout le paysage était brouillé. Pas un coin de ciel bleu, même minuscule, ne pointait le bout de son nez pour nous donner l'espoir que ça allait s'arrêter. On était déprimés parce que c'était notre premier jour de vacances. Et normalement, le premier jour des vacances, on fait des tas de choses à la Perle Verte. La Perle Verte, c'est la maison de mamie. Posée dans un jardin sauvage, couvert de milliers de fleurs de toutes sortes et de toutes les couleurs, elle est entourée d'une centaine d'arbres qui offrent coins d'ombre et grimpettes. À quelques pas de la maison, se trouve un potager magique où mamie bichonne ses légumes géants. Avec Lana, on y a construit 5 bases secrètes. On avait prévu de les inspecter et ensuite d'aller voir le village à insectes qu'on avait fabriqué l'été dernier. Mais impossible avec ce maudit rideau de pluie. Lana s'était mise en tête de m'expliquer le rôle de la pluie dans le cycle de l'eau quand Arthur arriva à toute vitesse sur son vélo. Quand on ouvrit la porte, notre copain avait l'air d'une serpillière humaine dégoulinante, illuminée par un grand sourire. « C'est trop cool que vous soyez enfin là! Tu aurais dû attendre qu'il fasse meilleur pour venir !» Et louper notre premier jour ensemble? Oh, ça met de la vie! Arthur était notre meilleur ami de vacances. Il vivait dans le petit village en bord de mer à 10 minutes de chez mamie. L'été, on était inséparables, et le reste de l'année, on s'écrivait et on s'appelait pour se donner des nouvelles. Mais Arthur, on pourra rien faire aujourd'hui, il fait trop mauvais! Pas grave! On pourrait aller à la chasse aux escargots. Avec un temps pareil, je suis sûr qu'il y en a une armée dans votre jardin. Peut-être qu'on croisera le roi baveux. Le roi baveux? Ouais, un escargot plus gros qu'une brique avec une coquille dorée et... Avant de continuer, tu devrais te changer, t'as l'air congelé. Il avait les lèvres bleues et claquait des dents. Lana fila chercher une serviette et moi un jogging, un t-shirt, des chaussettes et un gros pull. Une fois Arthur habillé, on essora ses affaires et on les étala sur une chaise près du feu. Le père de Lana nous apporta des tasses fumantes d'un chocolat bien chaud. À la première gorgée, Arthur retrouva des couleurs et poursuivit son histoire de roi baveux, le protecteur des jardins et de tous les insectes mal-aimés. Une histoire incroyable, tout droit sortie de la brouette de légendes et d'anecdotes qu'il connaît sur la région. En fait, Arthur, c'est un peu un guide touristique qui ne s'arrête jamais de parler. Sauf quand on joue. Et c'est sans doute pour ça qu'après son histoire, Lana proposa de faire une compète de puissance 4, qu'elle gagna haut la main. On enchaîna avec un double, qu'Arthur remporta cette fois, puis un uno. La partie fut très serrée, mais grâce à une faute d'inattention de ma cousine, je sortis vainqueur. On réfléchissait au meilleur jeu pour nous départager quand mamie est arrivée pour nous proposer de faire une tarte aux cerises. Pendant que je m'occupais de la pâte sablée, Arthur et Lana équetaient et lavaient les cerises, mamie les dénoyautait. Discrètement, Arthur lui en chipait, Lana me les passait, je les enroulais dans de la pâte crue et on les gobait, un délice. Quand mamie découvrit notre contrebande, elle se transforma en gargouille grincheuse. Mais enfin, si vous continuez comme ça, on n'aura même plus de quoi faire une tartelette. Vous voulez en goûter une? Nos billes de pâte à la cerise sont trop bonnes. Je suis sûr qu'on pourrait les vendre au village pour se faire de l'argent de poche. Sauf que j'ai prévu de faire une tarte, alors tu balais. Mais on veut t'aider à finir. Vous m'aiderez plus en me laissant tranquille. Allez, oust! Elle se remit à son dénoyautage. C'était rigolo de la voir loucher sur les cerises, la langue légèrement tirée. Arthur ne put s'empêcher de tendre le bras pour prendre une dernière cerise, mais le regard de mamie l'a stoppé net. « Je vais quand même pas vous chasser à coups de balai !» On souffla. Mamie continua de nous fixer par-dessus ses lunettes demi-lune. On glissa de nos chaises, puis, traînant des pieds, on alla s'échouer dans le canapé du salon. Dehors, les gouttes de pluie étaient presque aussi grosses que des balles de tennis. Vous voulez faire quoi ? On pourrait chercher des cassettes secrètes dans votre maison. C'est pas Poudlard ou Narnia ici. Évidemment, mais dans les vieilles maisons, il y en a toujours. Sans attendre notre réaction, Arthur se leva et se mit à examiner les murs du salon comme un écureuil en quête de noisettes. Lana fit rouler ses yeux, se leva à son tour pour chercher derrière les meubles. Une seconde plus tard, je les imitais. Après enquête, il n'y avait rien dans le salon. On se retrouva dans l'entrée, et là, juste à côté de la porte, au ras du sol, je remarquai qu'une grosse planche bougeait. Du bout des doigts, je réussis à l'enlever. « Vous l'avez dit, il y a toujours des cassettes dans les vieilles maisons. Alors, il y a quoi dedans ? Une grosse toile d'araignée et... au fond, il y a un truc !» Ma main passa au travers de la toile gluante et se referma sur un truc mou, en tissu rêche. C'était une bourse en toile épaisse et usée, comme les vieux sacs de courrier de la poste. Elle était remplie de billes. On ne voyait qu'une seule personne qui pouvait nous dire ce qu'elle faisait là, mamie. En arrivant dans la cuisine, une douce odeur de tarte à la cerise en train de cuire nous chatouilla les narines. Mamie était assise à la table de la cuisine, les lunettes glissées sur le bout du nez. Elle faisait des mots croisés. « Mamie, on a trouvé un truc incroyable !» Elle ne bougea pas d'un pouce. « Un vieux sac de billes, caché dans l'entrée !» Elle leva un sourcil. « Montrez-moi voir !» Dès qu'elle l'aperçut, elle frétilla comme un enfant devant un poney. « Oh, mais c'est que c'est mon sac de billes !»« Ilyes l'a trouvé dans l'entrée sous une planche !»« Ma cachette secrète. Je l'ai cachée toujours là pour éviter que mon frère ne l'échapparde. »« T'avais un frère ?»« Marcel, qu'il s'appelait. Mais la maladie l'a emporté bien trop tôt. Il ressemblait à quoi ?» Ptio, il était tout maigrichon avec une frange sur les yeux, mais en grandissant, il est devenu plus fort qu'un bœuf et plus beau que Jean Marais. Un vrai séducteur, mon Marcel. Je dois avoir plein de photos de lui dans le grenier. On se regarda comme des explorateurs qui venaient de pénétrer dans la tombe inconnue d'un pharaon. Un grenier ? Ici ? On n'en avait jamais entendu parler. Moi, je peux plus y monter, mais vous, vous allez avoir besoin d'un balai pour y grimper. Un instant, j'eus peur que mamie ait perdu la boule, mais une trappe se trouvait bien sur le plafond du couloir. À côté, il y avait un petit bouton, impossible à atteindre, même pour un adulte. Mais en montant sur un tabouret, je pouvais appuyer sur le bouton avec le manche d'un balai. Clic, pshh. La trappe s'abaissa doucement, comme celle d'un vaisseau spatial. Un escalier se déploya comme une échelle de pompier. Un escalier qui donnait sur un trou noir d'où s'échappaient des drôles de bruits, comme si des milliers de doigts grattaient le plancher. « Oh non, il y a des fantômes de grenier !»« Mais non, c'est juste la pluie qui tombe sur le toit !»« Ouais, ben ça peut être aussi une meute de fouines ou de rats. Les greniers leur servent parfois de repère !» Lana leva les yeux au ciel en haussant les épaules et grimpa. Arthur la suivit, aux aguets. Je lui emboîtai le pas en priant pour que Lana ait raison. « Alors, tu trouves que ça sent comme une tanière d'animal ?» Peut-être qu'ils viennent juste d'arriver. Écoute un peu, tu verras que ça vient du toit. Ah oui. J'ai appuyé sur un interrupteur en prenant appui sur le rebord de la trappe pour entrer dans le grenier. Plusieurs néons s'allumèrent en grésillant plus fort qu'une friteuse. L'un d'eux crépitait. D'après leur forme, on pouvait deviner ce qu'il recouvrait. Une vieille table démontée, des chaises, un porte-manteau, des vases et une imposante malle en bois. Cette malle renfermait des piles de vieilles lettres qu'on n'a pas osé lire, 5 albums gonflés de photos, toute une collection de cahiers d'écoliers drôlement bien tenus et un petit carnet où l'on avait noté sur la couverture « Mémoire de vacances 1940 ». Lana le feuilleta et tomba sur un sacrément beau dessin d'un vieux chêne. C'était celui du jardin de mamie. Une flèche rouge pointait un coin de terre entre deux grosses racines. Il y avait une indication. La boîte est enterrée là. On a trouvé une carte au trésor ! On prévient mamie ? Non, on va lui faire la surprise ! On sortit toute notre panoplie pour affronter la pluie. Comme Arthur n'en avait pas, on lui a confectionné un scaphandre en sac poubelle. Les météorites de pluie ne pouvaient pas nous arrêter. À l'aide de nos pelles de plage, on a creusé, creusé, creusé, et bing ! On a cogné contre un petit coffre en fer. On était tellement impatients de montrer notre trésor à mamie qu'on a débarqué dans la cuisine, tout dégoulinant. Mes parents allaient nous gronder, mais mamie les en a empêchés d'un geste de la main. Ses yeux étaient tout brillants et son menton tremblait. C'est pas vrai! Mes petits enfants ont trouvé la boîte qu'on avait enterrée avec mon Marcel. C'est comme une capsule temporelle. Vrai! Ce sont les souvenirs de notre dernier été avant que la guerre n'arrive chez nous. On y a mis tout ce qu'on aimait. Papa alla chercher la caisse à outils pour l'ouvrir. Elle renfermait deux soldats de bois, un petit lapin en peluche, un bilboquet, un jeu de cartes, une photo de la famille de mamie et de sa classe. En redécouvrant tout ça, mamie s'illumina. Un petit coin de sa mémoire s'ouvrit. On passa le reste de la journée à écouter le récit passionnant de son été 1940 et aussi de tout ce qui se passa après. J'espère que cet épisode d'Un été incroyable vous a plu. Une activité à télécharger accompagne cette histoire. Le lien de téléchargement se trouve dans les notes de l'épisode ou sur telming.com/été. telming.com/été. Retrouvez la suite des aventures de Lana, Ilyes et Arthur jeudi prochain. Cet épisode a été écrit par Mathieu Genel, Karine Texier et Arnaud Guillou l'ont raconté, Olivier Danchin l'a illustré, prise de son Abel Chéré, montage et mixage, celle-ci en langlois. Il était une fois un petit livre qui partait à la rencontre des grandes figures de la littérature. Ce mois-ci, nos héros croisent la route du plus fameux des mousquetaires, D'Artagnan. Des brigands ont détroussé le carrosse de la reine. Vite, Paloma, Enzo et leur chien Pipo se lancent à leur poursuite. Un pour tous et tous devant son livre. Toute l'année dans le Happy Meal, retrouvez une collection de livres pour enfants, écrits par Catherine Pancol et illustrés par Lespelli, pour partager ensemble une histoire incroyable. Durée limitée, un livre ou un jouet par Happy Meal. Voir le livre du moment en restaurant.